Quand les gens souffrent, ils veulent parler à quelqu'un qui a déjà beaucoup souffert sans fléchir et qui en est sorti victorieux. Bonjour, les ministères en contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Que peut-on faire de bien quand tout va mal? Cette question, qui fait réfléchir, est à la base de l'enseignement stimulant tiré du premier chapitre de l'Épître de Jacques. Charles Stanley présente certaines vérités fondamentales qui pourraient complètement transformer votre perspective lorsque vous faites face à un problème et que vous êtes soumis à une pression. L'adversité n'est jamais la bienvenue dans notre vie. Pourtant, Dieu peut l'utiliser pour produire de bons fruits. Charles Stanley nous appelle à envisager notre douleur et notre souffrance comme étant un moyen utilisé par Dieu pour atteindre d'autres personnes. Si vous êtes présentement à la recherche d'une bouée de sauvetage émotionnelle, restez avec nous alors que Charles Stanley vous aide à obtenir une perspective divine sur l'adversité. Quand nous considérons la vie chrétienne et que nous sommes sauvés depuis un certain temps, nous devons nous rendre à l'évidence. Nous faisons encore face à des pressions, à des peines et à des problèmes de toutes sortes. Nous devons alors nous rappeler que rien dans la Bible ne nous garantit le paradis sur terre après notre conversion. Je vous invite à considérer le fait qu'on ne peut ni éviter ni échapper aux mauvais jours. Nous devons donc alors apprendre à les affronter. Le deuxième verset du premier chapitre de l'Épître de Jacques a été écrit dans ce but. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Dans ce passage, Jacques nous encourage à laisser nos pensées nous conduire dans la joie. Quant à la deuxième partie du verset, sa traduction dans la Bible du Semeur est plus directe, plus réaliste et plus conforme au texte original. Quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, les épreuves ne sont pas optionnelles. Nous y serons exposés tôt ou tard. Elles font partie de la vie et surviendront tôt ou tard. Jacques ne pose pas une hypothèse. Si par malchance vous rencontrez des difficultés, vous vivez dans la souffrance ou vous avez une peine, non. Sa lettre suppose que les épreuves sont inévitables. Aussi, la question n'est pas de savoir si elles surviendront, mais quand. Jacques déclare en effet, « Quand vous passez par diverses épreuves, considérez-les comme un sujet de joie complète. » Parlons des épreuves à présent. Dans le passage, quand Jacques parle de diverses épreuves, il fait référence à deux choses. Dans la version originale grecque, le mot « pérasmos » peut être traduit en français par « épreuve » ou « tentation ». Gardons cette idée en tête en lisant Jacques chapitre 1, versets 13 et 14. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et dans Jacques chapitre 1, verset 12, il est écrit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation ». Car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Dans les trois derniers versets, le mot « pérasmos » est souvent traduit par « tentation » ou son verbe dérivé « tenter ». Mais dans notre premier verset, le même mot grec est traduit en français par « épreuve ». Revoyons ce premier verset de Jacques, chapitre 1, verset 2. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Jacques utilise donc un mot dans le texte original que nous pouvons interpréter soit par épreuve, soit par tentation. Ces deux mots désignent une période de notre vie où notre caractère est éprouvé. Si nous passons cette épreuve et que nous la supportons avec patience, nous recevrons la couronne de vie. La différence entre l'épreuve et la tentation tient à ceci. La tentation vient de Satan et son but est de nous inciter au mal pour nous rendre honteux. L'épreuve, quant à elle, provient de Dieu. Son but est de nous faire expérimenter la grâce de Dieu afin de nous rendre plus fermes en lui. Lorsque Dieu provoque des difficultés pour attirer notre attention, son intention est de nous apprendre à tenir ferme après avoir expérimenté sa grâce. Relisons encore Jacques, chapitre 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Parfois, sans aucun avertissement, nous sommes frappés de tous côtés par un problème et nous nous retrouvons dans le pétrin sans nous y attendre. Il y a du sable dans l'engrenage et nous devons réagir. Ce n'est pas le temps d'essayer de finasser, d'analyser et de soupeser les différentes sortes de problèmes, pressions et souffrances qui nous prennent d'assaut. Il faut réagir au plus vite et pour le mieux. Quelle méthode Dieu emploie-t-il pour répondre aux circonstances qui nous accablent? Nous devons bien comprendre une chose, et je crois utile de la répéter. Quand Jacques nous encourage à regarder comme un sujet de joie ces épreuves, nous devons comprendre qu'il nous dit de les envisager d'un point de vue rationnel. Nous ne devons pas réagir avec nos émotions sans penser d'abord. Ce serait la dernière chose à faire. Il faut donc réfléchir avant d'agir à l'improviste. Regardez Jacques, chapitre 1, verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Jacques nous fait comprendre que nous savons certaines choses. Et si nous ne les connaissons pas, il nous faudra les apprendre par une épreuve. Quelles sont ces choses à savoir concernant les temps difficiles? Je vous en propose trois. Et si vous n'êtes pas sûr de pouvoir les retenir, je vous suggère fortement de les noter, car elles pourraient vous être fort utiles éventuellement. Nous devons nous rappeler trois choses quand nous nageons dans la peine, que nous croulons sous les problèmes ou que le stress nous ronge. Dans les situations difficiles, nous pouvons remercier Dieu et le glorifier en nous appuyant sur ces trois éléments. Premièrement, nous ne souffrons pas seuls, ou nous n'avons pas à faire face à un problème particulier seul. Nous ne sommes jamais seuls. C'est la première chose à se rappeler dans les moments difficiles. Nous ne sommes pas seuls, car Dieu dit dans Hébreux chapitre 13, verset 5, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » La première chose à savoir, c'est que nous ne sommes pas seuls face à un problème. Cela devrait déjà nous redonner du courage. Deuxièmement, Dieu tient notre problème et notre souffrance au creux de ses mains. Il les contrôle. Écoutez bien ceci. Dieu n'a jamais rien laissé échapper de ses mains. N'oubliez jamais cela. Si vous lui appartenez comme je lui appartiens, il ne nous laissera pas tomber. Il vous tiendra dans le creux de ses mains sans jamais vous lâcher. Le stress que nous vivons, nos douleurs, n'échappent pas à Dieu. Les situations que nous rencontrons et nos problèmes sont contrôlés par Dieu. Nous savons donc déjà deux choses. Nous ne sommes pas seuls face à notre peine, car Dieu est avec nous. De plus, il contrôle tout. Rien ne lui échappe. Même si nous nous désespérons et que nous nous écrions, « Seigneur, je n'en peux plus. Tout va mal. C'est trop pour moi. Je ne sais plus quoi faire. » Nous n'avons pas à nous inquiéter. Car Dieu tient notre situation entre ses mains. Comme tout est sous son contrôle, rien ne lui échappe. Je résume donc. Non seulement ne sommes-nous pas seuls, mais rien n'échappe non plus au contrôle de Dieu. Troisièmement, Dieu tirera de bons fruits de cette situation. Nous ne pouvons pas les voir, nous ne pouvons pas les sentir, et même avec beaucoup d'imagination, nous ne parvenons pas à savoir comment il pourrait tirer du bien d'une telle catastrophe. Or, rappelez-vous que Dieu travaille à produire de bons fruits malgré la douleur, les problèmes et le stress. Il y a tout un monde entre le fait de courir partout en clamant « Gloire à Dieu! Alléluia! Amen! Loué soit Dieu! » Poussé par l'émotion d'une part et en disant d'autre part au Père « Merci Père! Gloire à toi! Je regarde comme un sujet de joie la situation pénible que je vis. » Que faites-vous alors? Vous glorifiez Dieu en vous appuyant sur la vérité biblique et la connaissance de la vérité. Vous savez que le Dieu Tout-Puissant demeure avec vous et en vous, qu'il contrôle la situation et qu'il tirera de bons fruits du problème, de la souffrance ou de la pression des événements que vous vivez. La clé est d'être conscient que quelque chose se produit en nous. Si nous considérons que nous sommes sans aide vis-à-vis de notre problème, Dieu est au ciel, nous, nous sommes ici-bas. Que la situation est hors de notre contrôle et que nous ne croyons pas que le bien puisse résulter d'une telle situation, alors nous ne pourrons jamais réagir adéquatement. Et il n'existe plus aucune façon pour nous d'affronter l'épreuve adéquatement. C'est pourquoi il est si important de savoir comment regarder comme un sujet de joie une épreuve. Il est parfois intéressant de constater combien nous connaissons de choses. Parfois, malgré cela, nous parvenons quand même à réagir négativement. Et ce n'est pas faute de connaissance. Non, au contraire, le problème ne se situe pas là. Nous préférons habituellement réagir avec nos émotions plutôt que de réagir avec vérité. La vérité est issue de notre connaissance et de notre pensée. Ô Seigneur, quelle situation embarrassante et pénible! Or, je sais que tu es avec moi. Je sais que cette situation est sous ton contrôle. J'ai confiance. Je sais que tu tireras de bons fruits de cette catastrophe. Je n'ai pas la moindre idée de ce que tu vas faire pour remédier à la situation, mais je ne veux pas douter de ta parole. Si nous pouvons nous répéter et réaffirmer ces vérités, nous serons étonnés des changements produits dans notre cœur. C'est comme si Dieu commençait à émaner de nous. Pouvez-vous me montrer un seul verset des Saintes Écritures qui remette en question une seule de ces trois propositions? Quel verset biblique affirme que vous devez vous débrouiller seul avec votre problème, qu'il est au-delà du contrôle de Dieu et que ce dernier sera incapable d'en tirer de bons fruits? Vous aurez beau chercher, vous n'en trouverez aucun. Si vous croyez en la Bible, vous devrez croire ces trois propositions. Mais attention, ces trois propositions ne sont vraies que dans la mesure où votre réaction à l'adversité est adéquate. Car si elle ne l'est pas, voici à quoi vous vous exposez. Il existe une réponse inadéquate face à l'épreuve. Elle peut prendre plusieurs formes. La résistance, la rébellion, la fuite, l'amertume et la rancœur. Vous êtes donc devant ce problème et vous sentez cette pression vous serrer la poitrine. Et, en la sentant augmenter, votre nervosité augmente aussi. Vous ressentez le stress. Vous tentez de repousser cette pression, mais elle s'agrippe à vous. Elle vous entoure et soudain, vous décidez de faire le bilan de votre vie. Qui êtes-vous? Vous demandez-vous. D'où venez-vous? La réponse est simple. Vous êtes en présence de Dieu, vous êtes entre ses mains. Vous vous rappelez alors les promesses contenues dans sa parole, puis quelque chose se produit en vous. La pression se libère, car vous ne la retenez plus. La tension se met à diminuer. Le stress est évacué, bouté hors de vous par la présence du Dieu Tout-Puissant, surnaturel et aimant, qui pénètre chaque cellule de votre corps malgré le problème. Dieu ne nous a pas promis qu'il nous éviterait les problèmes ou qu'il les réglerait en un clin d'œil quand ils surgiraient dans notre vie. Non, il n'a jamais fait ce genre de promesse. Il ne nous affirme pas non plus que le fait de regarder comme une joie nos épreuves les éliminerons et que nous ne souffrirons plus. Non. Que dit-il alors? Lisons la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Le secret pour être rempli de réconfort et débordant de joie en toutes circonstances est de savoir que nous ne sommes jamais seuls devant un état de crise. Toute situation est soumise au contrôle de Dieu et il travaillera pour que nous portions de bons fruits. À présent, considérez ceci. Lorsque vous pensez à l'influence de Dieu dans votre vie, quel en est, d'après vous, l'aspect le plus précieux? Il s'agit de votre foi. C'est votre foi qui vous a uni à Dieu pendant votre expérience de conversion. Et c'est de votre foi que vient votre certitude du salut, du pardon et de l'amour de Dieu. Tout cela provient de votre foi. Or, la foi n'est pas une question de quantité, on ne peut pas dire « J'ai un litre de foi, mais j'en veux un gallon ». Non, cela ne fonctionne pas ainsi. La Bible affirme qu'une foi de la taille d'un grain de moutarde peut déplacer des montagnes. Vous n'avez donc pas besoin d'un baril de 45 gallons de foi. Juste un petit peu suffit. Il existe différents niveaux de foi. Elle peut grandir quand elle est exercée. Où vous situez-vous? Premièrement, vous ne l'exercez pas du tout. Vous n'avez aucune foi en Dieu. Deuxièmement, vous exercez un peu de foi en disant « Je sais que Dieu peut faire cela, mais je ne sais pas s'il le fera. » Troisièmement, une plus grande foi s'exerce en disant « Si Dieu dit qu'il le fera, je crois qu'il le fera. » Et finalement, quatrièmement, une foi parfaite s'exerce en disant « Si Dieu dit qu'il le fera, c'est comme si c'était déjà fait. » Si vous avez la foi, la question est de savoir comment vous allez réagir. Et plus vous exercez votre foi, plus vous serez en mesure de faire face aux problèmes en disant « Seigneur, tu dis que tu détiens le contrôle de la situation, et je le crois. Je te remercie, tendre Père, de t'occuper de cette situation. Je serai donc en mesure d'affronter ma douleur, mon problème ou la pression des événements sous un autre angle, et mieux qu'auparavant. » C'est ainsi que nous pouvons mûrir dans notre vie chrétienne. Et au cours de ce processus de croissance, il se produit quelque chose de curieux. Notre foi change et se transforme. Nous nous mettons à prendre le risque de présenter des requêtes plus importantes à Dieu. Nous sommes en mesure de supporter les problèmes, la pression et la douleur avec plus d'assurance, tandis que Dieu édifie notre foi. Et comment Dieu s'y prend-il pour ce faire? Il expose notre foi à des épreuves de plus en plus grandes. L'exercice affermit la foi du chrétien qui conserve sa maturité spirituelle. Dieu ne pourrait faire grandir notre foi sans l'éprouver. C'est pourquoi nous sommes soumis à des épreuves dont le but n'est pas de nous abattre, mais au contraire, de nous aider à produire de bons fruits. Dieu nous enseigne à rester debout face aux épreuves et aux tribulations. Et en plus de nous rendre inébranlables, il nous aide à développer notre endurance. Cette aptitude s'acquiert avec l'expérience. Un jeune chrétien possède peu d'endurance, tandis qu'un croyant mûr peut supporter la pression, la douleur et même une grande quantité de problèmes. Certaines personnes peuvent se laisser anéantir par un problème peu important. Cependant, si nous apprenons à faire confiance à Dieu, à avancer malgré les vents contraires, à régler les choses en fonction de nos expériences avec le Seigneur, nous apprendrons à résister à la pression. Nous nous rendrons alors rapidement compte que nous pouvons tenir ferme malgré la douleur, la pression et les problèmes qui pourraient terrasser n'importe qui. Nous sommes maintenant capables de les endurer sans râler ni gémir et sans reprocher à Dieu notre situation. Nous supportons la pression ou la douleur et nous affrontons les problèmes avec une confiance et une tranquillité d'esprit sans pareil. Pourquoi? Car nous savons que le Dieu Tout-Puissant porte ce fardeau avec nous. Il nous soutient. Nous le savons. Dieu contrôle entièrement la situation. De plus, il nous teste parce qu'il veut nous faire grandir spirituellement et nous transformer. Les épreuves nous aideront à être plus utiles et précieux pour son œuvre. Elles nous permettront d'avoir une plus grande influence sur ceux et celles qui nous entourent. Quand les gens ont de la peine, à qui veulent-ils parler? À d'autres personnes qui ont souffert, qui ont connu des périodes douloureuses, mais qui ont été capables d'en endurer la peine et d'en sortir victorieux. Si vous voulez vous rendre utile pour les autres, n'oubliez pas ce que je m'apprête à vous dire. Dieu utilisera la douleur et la pression des événements pour vous édifier, vous fortifier et vous rendre capable d'aider quelqu'un d'autre. Toutefois, pour arriver à ce résultat, il faut que votre patience accomplisse parfaitement son œuvre, comme l'enseigne Jacques, chapitre 1, verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Cela veut-il dire que nous sommes appelés à atteindre un degré tel de perfection que nous ne pécherons plus jamais? Jésus lui-même n'enseigne-t-il pas dans Matthieu chapitre 5, verset 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Cela signifie-t-il que Dieu nous ordonne d'atteindre un tel niveau? S'attend-il vraiment à ce que nous parvenions à toucher ce plafond parfait qui fera en sorte que nous ne pécherons plus jamais? Comme je souhaiterais que cela soit vrai. Pas vous? Comme j'aimerais que nous puissions le faire. Plus de péché, la perfection enfin obtenue. Comme j'aimerais pouvoir croire en la perfection sans péché si la Bible enseignait. Or, elle ne le fait pas. Dieu nous a aimés et nous a sauvés. Il savait très bien, avant de nous sauver, combien de fois nous allions commettre des erreurs de jugement, combien nous allions pécher contre lui, même après notre conversion. Combien de fois nous allions trébucher, tomber et nous laisser piéger par Satan et ses ruses. Malgré tout cela, il nous a aimés quand même. Ne me demandez ni pourquoi ni comment. Dieu ne se fait aucune illusion avec nous. Il sait que nous ne serons jamais parfaits dans ce corps terrestre. Aussi, que voulait-il dire par cela? Dieu est tolérant à l'égard du pécheur. Durant toute notre vie, nous allons commettre des péchés, des erreurs et des fautes. Nous allons connaître l'échec en dépit de nos meilleures intentions. Or, il existe un verset dans la Bible qui décrit l'état de perfection que Dieu veut nous voir atteindre. Matthieu, chapitre 22, verset 37. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Dieu ne déclare pas que nous ne pécherons plus, que nous ne commettrons plus d'erreurs ou que nous n'échouerons plus. Le Seigneur nous demande de l'aimer de tout notre cœur. De tout notre cœur. Peut vouloir dire une chose aujourd'hui, mais dans 3 mois, la signification aura changé, car l'amour est en croissance constante. Cette perfection qu'il veut nous voir atteindre est donc un processus de croissance continuelle. Et le fait d'aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur n'élimine pas la possibilité d'une chute. Aimer Dieu n'exclut pas le fait que nous succombions aux tactiques du diable ou que nous soyons incapables de résister à la tentation. Aimer Dieu ne signifie pas que nous prendrons toujours la bonne décision au bon moment. Cependant, aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée et de toute notre force, aimer notre prochain comme nous-mêmes, nous conduit à un niveau supérieur de maturité, tout en nous permettant de rester humains. Et nous sommes tous humains, que cela nous plaise ou non. La Bible nous enseigne qu'il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Que signifient les adjectifs « parfait » et « accompli » dans ce contexte? Pas que nous ne serons sans péché et sans erreur, mais plutôt que notre cœur penchera vers Dieu. Notre désir le plus cher est de plaire à Dieu. Nous sommes donc enclins à nous rapprocher de lui. Or, aussi longtemps que nous vivrons dans la chair, nous échouerons. Nous commettrons des erreurs de jugement. Nous pécherons même parfois contre lui. Or, en même temps, Dieu nous fera croître d'une façon équilibrée dans tous les domaines de notre vie. Le travail, les finances, la maison, l'église, la marche spirituelle, la vie sociale et les divertissements. Pour ces raisons, nous pouvons remercier et glorifier le Seigneur, même quand nous sommes sur le point de rompre, pensant « Seigneur, je n'en peux plus, mais je veux te remercier. Père, je ne comprends rien de ce qui m'arrive, mais je te remercie de toute manière. » Et quand les problèmes paraissent insurmontables, bien au-delà de notre capacité à les gérer, Dieu nous rassure. « Tu peux quand même me remercier, car... » Je peux aplanir cette montagne, je peux te laisser de ce côté, je peux te faire sauter par-dessus, je peux creuser un tunnel à travers, je peux t'y laisser devant pendant plusieurs années. Dieu n'a jamais promis de faire disparaître nos montagnes. Il ne nous a pas dit « Regarde-les comme une joie avant que je les aplanisse », ni « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves quand je les enlève », mais bien « Quand vous les expérimentez, Je ne glorifie pas Dieu quand, après m'être plaint pendant des semaines, je le remercie quand il règle mon problème. Dieu ne nous demande pas de regarder nos problèmes comme un sujet de joie complète quand ils sont terminés, mais quand ils surgissent devant nous, que nous sommes décontenancés et que nous pensons « Seigneur, je n'en peux plus ». Aucun problème ni aucune épreuve ne seront au-delà de nos forces si nous apprenons à réagir adéquatement. Or, rappelons-nous qu'une réponse adéquate est une réponse joyeuse. Il ne s'agit pas d'une réaction liée à l'émotivité, mais d'une réaction de joie basée sur notre connaissance de Dieu, de nous-mêmes, de sa proximité et de sa toute-puissance. Selon la perspective de Dieu, la souffrance constitue une étape essentielle pour obtenir le fruit qu'il désire produire en nous. Nous l'avons vu aujourd'hui dans l'émission, aucune épreuve ou aucun problème ne sont insurmontables à condition que nous y réagissions de la bonne manière. En fait, tout est une question de perspective, et il faut se rappeler, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes jamais laissés à nous-mêmes face à la douleur, aux souffrances, aux problèmes ou aux épreuves. Pourquoi? Parce que Dieu est toujours avec nous et nous a promis de ne jamais nous abandonner. De plus, il connaît le moindre détail de notre situation. Pourquoi alors paniquer ou craindre? Si nous savons qui est Dieu, nous n'avons aucune raison de réagir négativement. Comme Charles Stanley l'a bien souligné, l'adversité ne constitue donc pas un recul, mais bien une occasion de grandir spirituellement. Il est vrai que l'adversité et les épreuves ne sont jamais les bienvenues, mais parfois elles sont nécessaires pour que l'on change de comportement et qu'on grandisse. Dieu nous les fait alors subir pour que nous nous rapprochions de lui, comme le psaume 119, versets 71 à 76 nous l'enseigne si bien. « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. » Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié, que ta bonté soit ma consolation. Vous aimez les enseignements du Dr Stanley, mais vous n'écrivez pas assez vite pour tout noter? Aujourd'hui, l'Espoir vous offre la revue « En contact » qui reprend ses enseignements. De plus, cette revue comprend une pensée enrichissante qui vous permettra de commencer la journée sur le bon pied. Téléphonez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou sur notre site Internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en contact et une production de Radio Espoir.